Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte ABO. Vous en avez désormais pris l'habitude, chaque mardi nous allons écouter les plus belles bandes originales de films, toujours en compagnie de la fidèle Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Et puis aujourd'hui, un invité exceptionnel, nous avons une auditrice fidèle, Bérangère. Bonjour Bérangère. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors Francine, quel est le programme ? Eh oui, nous vous proposons de nous retrouver ensemble pour les plus gros succès de Luc Besson, et ce en musique, en évoquant pour chacun d'entre eux quelques anecdotes. Eh bien, sans plus tarder, donc, car la programmation est bien chargée cette semaine, voici donc ce numéro spécial de la boîte à BO Luc Besson en musique, et merci d'être fidèle à Radio Fadjet. Alors Francine, je crois qu'il y a un point commun à tous les films de Luc Besson. Et oui, c'est Éric Serra. Il est le compositeur attitré de la musique des films de Luc Besson depuis le début des années 80. Il est très rare qu'un réalisateur soit aussi fidèle à un compositeur, comme l'a été Claude Lelouch avec Francis Lai. Donc cette boîte à BO spéciale Luc Besson, c'est aussi une boîte à BO Éric Serra. À une exception près, vous le constaterez tout à l'heure en fin d'émission. En effet, donc, et tout de suite, donc, commençons donc par un court extrait donc, du premier film de Luc Besson. C'est un extrait de la BO du film Le Dernier Combat, ce film de science-fiction qui a permis à Luc Besson donc de réaliser à 23 ans son rêve, donc son premier film, et dans lequel joue son acteur fétiche, Jean Reno. Alors, petite anecdote, Jérôme, concernant la rencontre avec Jean Reno. Eh bien, c'est en tant que premier assistant que Luc Besson intervient dans un film surprenant, loin de l'univers de Besson par la suite, Les Bidas aux Grandes Manœuvres en 1981, où il repère lors du casting un type dont la carrure l'impressionne. Il s'appelle justement Jean Reno. En effet, Francine, une rencontre assez surprenante, hein. Alors revenons au film Le Dernier Combat, qui raconte comment un groupe d'individus tente de survivre et de repartir à zéro à la suite d'une catastrophe nucléaire. Premier grand succès critique pour Luc Besson, après Avoriaz, Le Dernier Combat récoltera 10 prix internationaux. Par contre, le public ne sera pas véritablement au rendez-vous. Il n'empêche que grâce à ce film, la Gaumont ouvre grande les portes à Luc Besson pour son deuxième film en 1985, et c'est Subway avec Christophe Lambert et Isabelle Adjani. Alors justement Francine, le couple incarné dans le film Christophe Lambert et Isabelle Adjani devait initialement être interprété par Sting et Charlotte Rampling. Les défections successives du chanteur et de la comédienne anglaise ont conduit Besson à faire appel à Isabelle Adjani, qu'il avait déjà dirigé pour le clip Pull Marine, ainsi qu'à Christophe Lambert qui, grâce à ce film, accède au rang de star du grand écran. Alors le film, attirant plus de 2,9 millions d'entrées au cinéma, eh bien on va tout de suite retrouver un extrait de la BO de ce film, toujours signé Éric Serra. Thank you. Subway connaît un grand succès, cela n'a rien à voir avec le triomphe que va connaître le Grand Bleu en 1988. Et ce, malgré les critiques assassines dont cet hommage déguisé au plongeur Jacques Mayol fait l'objet lors de la présentation au Festival de Cannes. Le Grand Bleu, c'est 9 millions d'entrées. Au cours des Césars 1989, le Grand Bleu est nominé dans 8 catégories, dont celle du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Jean-Marc Barr. Il repartira avec 2 récompenses, dont le César de la meilleure musique de film pour Eric Serra, dont je vous propose de retrouver un extrait devenu un grand classique et que vous connaissez forcément. C'est en 1990 que Luc Besson réalise Nikita et fait de sa compagne d'alors Anne Parillaud l'héroïne de ce film policier qui, grâce à sa poignante prestation de tueuse à gages, vaudra à la comédienne le César de la meilleure actrice. Luc Besson raconte que le projet Nikita est né un jour où il a écouté la chanson Nikita d'Elton John dans un avion avec son baladeur. C'était de l'époque. Hein. Ouais, oui. De là, lui est venue donc l'idée de réaliser le film sur une fille portant son prénom, ce prénom. Donc après Le Grand Bleu, Luc Besson continue à se faire un nom aux États-Unis et Nikita fut le premier film français à dépasser la barre des 5 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Alors sans plus tarder, voici un extrait de la BO de Nikita. Point of view. Alors, comment oublier, Jérôme, la composition de Jean Reno dans ce film de 1994 où il joue le rôle d'un nettoyeur? Tu as dû reconnaître ce film. Ah ben oui, Père Francine, c'est un de mes films préférés, Léon. Eh oui, Jérôme, tu te souviens que Léon ne se sépare pas d'une plante dans ce film? Connais-tu son nom? Alors non, pas du tout. Mais... Eh bien, la plante que Léon transporte tout au long du film est une aglaonema. Aglaonema. Voilà. Effectivement, voilà. J'adore cette plante. Ah oui, je vois quelle est cette plante, mais je n'avais jamais fait le lien avec ce film. Donc, hasard ou coïncidence, je ne sais pas. Et je crois que notre invité, donc, surprise de cette donc, semaine, donc Bérangère, c'est un des films que tu apprécies aussi. Bien sûr, oui, c'était vraiment un des films qui m'a vraiment marqué. Ouais. Et puis Jean Reno, il faut dire, cet acteur, je trouve que ça lui colle vraiment à la peau. C'est vraiment des films de Luc Besson. C'est Jean Reno, quoi. Voilà, voilà. Je crois que Jean Reno, c'est Luc Besson. Voilà, c'est un de ses rôles vraiment majeurs dans sa carrière cinématographique. Et le carton au box-office mondial lui permet de mettre en œuvre un projet très ambitieux, le futuriste Cinquième élément, avec un budget colossal de 100 millions de dollars et un casting international composé de Bruce Willis, Gary Oldman et Mila Jovovich. On en reparle justement après avoir écouté cette belle chanson de Sting, Shape of My Heart, qui fait office de BO pour le film Léon. Et bande originale que j'adore également. On retrouve donc tout de suite, effectivement, donc Sting. A meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Nothing and find out that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. En 1997, c'est donc le triomphe international de Luc Besson avec Le Cinquième Élément. Besson était fan de films de science-fiction de 1982, Blade Runner. Son Cinquième Élément est bourré de références au long métrage de Ridley Scott. De par ses effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque, Le Cinquième Élément a coûté 100 millions d'euros. Mais il en a rapporté plus de 265 millions au total. Oui, on n'a pas cité l'acteur principal. Alors, qui est l'acteur principal qui joue donc dans Le Cinquième Élément ? Bruce Willis. Bien sûr, Bruce Willis. Qui sauve toujours le monde. Bien sûr. On retrouve un extrait de la BO de ce film signé toujours Eric Serra. Aujourd'hui, on est avec Luc Besson et donc après Le Cinquième Élément, on va passer donc à un autre film. Au tournant des années 2000, le cinéaste décide de délaisser la caméra pour se consacrer essentiellement via sa société Europacorp à la production d'œuvres souvent froidement reçues par la critique mais encensées par le public, comme la saga Taxi ou celle du Transporteur. Et Luc Besson retourne ensuite à la réalisation avec deux films au registre diamétralement opposé, la comédie romantique Angel A en 2005, puis le film d'animation Arthur et les Minimoys. Ensuite suivront Adèle Blanc-Sec en 2010 et en 2011 The Lady, une biographie de l'activiste birmane et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, puis Malavita en 2013, comédie criminelle déjantée qui réunit une fois de plus un casting de choix composé notamment de Robert De Niro, Michel Pfeiffer et Tommy Lee Jones. Alors, tous ces films, Francine, vont rencontrer un succès commercial limité et il faut vraiment attendre le grand retour à la science-fiction pour Luc Besson en 2015 avec le film Lucie, 24 ans après Nikita. Et il va faire de Scarlett Johansson sa nouvelle icône en glissant l'actrice dans la peau d'une mutante dotée de capacités intellectuelles surnaturelles. Et je vous propose donc tout de suite d'écouter un extrait de la bande originale de ce film. Thank you. Enfin, le metteur en scène réalise son rêve d'enfant grâce au succès international de Lucie. Il rêve en effet de porter à l'écran la bande dessinée Valérian et la Cité des Mille Planètes. Cette aventure de science-fiction devient le plus gros budget pour un film français, 200 millions d'euros. Malgré 4 millions d'entrées en France, en salle en France, Valérian est un échec commercial international, mettant en péril Europacorp, la société de Luc Besson. La musique de ce film est exceptionnellement composée par un autre compositeur qu'Eric Serra, à savoir Alexandre Desplat. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door. Voilà, c'était la bande originale donc du film Valérian. Ainsi donc s'achève ce numéro spécial de la boîte à BO consacré à Luc Besson. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pris plaisir de découvrir ou de réécouter ces musiques de films. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fadjet. Alors Bérangère, j'espère que cette première expérience vous a plu. Oh bah oui, écoutez, moi vous me réinvitez quand vous voulez. Hein. Bah très bien, bah on retient donc l'invitation. Et Francine, rendez-vous à la semaine prochaine. Là, tout à fait. D'ici là, donc restez fidèles à Radio Fadjet.